Pourtant se dire que l'on s'aimait sans se punir, sans se presser. Pourtant se dire que c'est fini tous les beaux jours, les douces nuits. Et quand l'été touche à sa fin, il y a des torrents de larmes, des rivières de chagrin et quelques souvenirs sur le sable fin. Autant se dire que c'était parfait, que l'on ne faisait qu'un sous la voie lactée. Autant se dire que c'était l'été et qu'il n'y a rien de pire que de ne pas s'aimer. Et quand l'été touche à sa fin, il y a des tours de larmes, des rivières de chagrin et quelques souvenirs sur le sable fin. Que nos larmes ont séché et qu'avec le temps nous n'avons rien oublié. Autant se dire que c'était le plus beau de tous les moments et qu'il n'y a pas de mots. Et quand l'été touche à sa fin, il y a des tours de larmes, des rivières de chagrin et quelques souvenirs sur le sable fin. Autant se dire que l'on s'aimait sans se punir, sans se presser. Autant se dire que c'est fini tous les beaux jours, les douces nuits. Et quand l'été touche à sa fin, il y a des tours de larmes, des rivières de chagrin et quelques souvenirs sur le sable fin.